Les lettres anonymes. Comme on quittait le salon sur le minuit, Julien eut le temps de dire à son ami : « Ne nous voyons pas ce soir. Votre mari a des soupçons. Je jurerais que cette grande lettre qu'il lisait en soupirant est une lettre anonyme. » Par bonheur, Julien se fermait à clé dans sa chambre. Madame de Rênal eut la folle idée que cet avertissement n'était qu'un prétexte pour ne pas la voir. Elle perdit la tête absolument et, à l'heure ordinaire, vint à sa porte. Le lendemain, de fort bonne heure, la cuisinière, qui protégeait Julien, lui apporta un livre sur la couverture duquel il lut ces mots en italien. « Guardate alla pagina 130 ». Julien frémit de l'imprudence, chercha la page 130 et y trouva attachée avec une épingle la lettre suivante écrite à la hâte, baignée de larmes et sans la moindre orthographe. « Tu n'as pas voulu me recevoir cette nuit. Il est des moments où je crois n'avoir jamais lu jusqu'au fond de ton âme. Va, montre cette lettre dans tout Verrières, ou plutôt, montre-la au seul Monsieur Valneau. Dis-lui que je t'aime, que dans les moments les plus fous de ma jeunesse, je n'avais jamais même rêvé le bonheur que je te dois, que je t'ai sacrifié ma vie, que je te sacrifie mon âme. N'en doute pas, cher ami, s'il y a une lettre anonyme, elle vient de cet être odieux qui pendant 6 ans m'a poursuivi de sa grosse voix, du récit de ses sauts à cheval, de sa fatuité et de l'énumération éternelle de tous ses avantages. Le sacrifice est fait. Demain, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lettre anonyme, moi aussi je dirai à mon mari que j'ai reçu une lettre anonyme et qu'il faut à l'instant te faire un pont d'or, trouver quelque prétexte honnête et sans délai te renvoyer à tes parents. Hélas, mon cher ami, nous allons être séparés 15 jours, 1 mois peut-être. Tout le but de ma conduite, c'est de faire penser à mon mari que la lettre vient de M. Valneau. Je ne doute pas qu'il n'en soit l'auteur. Si tu quittes la maison, ne manque pas d'aller t'établir à Verrières. L'essentiel est que l'on croie à Verrières que tu vas entrer chez le Valneau ou chez tout autre pour l'éducation des enfants. Voilà ce que mon mari ne souffrira jamais. C'est toi qui vas me fournir la lettre anonyme. Arme-toi de patience et d'une paire de ciseaux. Coupe dans un livre les mots que tu vas voir. Colle-les ensuite avec de la colle à bouche sur la feuille de papier bleuâtre que je t'envoie. Elle me vient de M. Valneau. Pour épargner ta peine, j'ai fait la lettre anonyme trop courte. Lettre anonyme. Madame, toutes vos petites menées sont connues, mais les personnes qui ont intérêt à les réprimer sont averties. Par un reste d'amitié pour vous, je vous engage à vous détacher totalement du petit paysan. J'irai dans le village et reviendrai avec un visage troublé. Je le serai en effet beaucoup. Grand Dieu, qu'est-ce que je hasarde ? Et tout cela parce que tu as cru deviner une lettre anonyme. Enfin, avec un visage renversé, je donnerai à mon mari cette lettre qu'un inconnu m'aura remise. Toi, va te promener sur le chemin des grands bois avec les enfants et ne reviens qu'à l'heure du dîner. C'est peu de choses à mes yeux que de passer de la vie les jours heureux que je viens de passer dans tes bras. Tu sais qu'ils m'en coûteront davantage.